La fée d'Irlande. Lorsque j'ouvre les yeux, le soleil inonde la chambre. Le visage de Nathalie est à quelques centimètres du mien, dans la position même où nous nous sommes endormis. Son bras gauche est replié sous l'oreiller, sa main droite repose sur mon ventre. Un petit filet de salive à la commissure de ses lèvres, elle dort paisiblement. Son souffle est profond et régulier, et son sein droit, que le drap a découvert, se soulève au rythme de sa respiration. Je la regarde dormir, m'emplissant le cœur de cette image, puis je me lève avec mille précautions pour aller à la salle de bain. Au passage, je jette un coup d'œil au ras du réveil. Catastrophe, il est 11h30 et nous sommes censés rendre la chambre à midi. Sur la pointe des pieds, par la porte de communication, je me glisse dans l'autre chambre et appelle la réception. Ouf! Les choses sont arrangées en 2 minutes. Nous pouvons garder les chambres jusqu'à ce soir, alors qu'il nous plaira. Après un bref passage sous la douche, je retourne dans la chambre où dort Nathalie. À genoux, je remonte tout doucement sur le lit pour m'allonger près d'elle. Que ne suis-je peintre ou photographe? J'aurais fixé ce moment pour l'éternité. Le soleil joue dans ses cheveux et y allume 1000 étincelles d'or. Cette nuit, la lune y semait des paillettes d'argent. Je lui ai dit que c'était de la poudre de fée et je suis là à la regarder dormir, si belle, ma fée d'Irlande. C'est le moment que je choisis un rayon de soleil facétieux pour lui chatouiller le bout du nez. Je ne sais comment, mais elle le sent et fait une bonne dizaine de grimaces, dont la dernière m'arrache un fou rire. On dirait un lapin mangeant une carotte. Est-ce le rayon de soleil ou mon rire étouffé? Toujours est-il qu'elle ouvre les yeux. Après un discret bâillement, j'ai droit au plus magnifique sourire qui se puisse imaginer. L'instant d'après, elle s'étire voluptueusement, faisant saillir ses seins dans leur plénitude. Encore une photo ou un tableau perdu. Je n'ai pas le temps de le regretter. Elle s'assied, m'attire vers elle et murmure juste avant de m'embrasser. « Morning, my love. Bonjour, mon bel amour. » Je suis à genoux, penché sur elle, la tiens par les épaules et notre baiser est si tendre qu'elle ne tarde pas à sentir ma prétention effleurer la pointe d'un sein. Elle baisse le regard et avec un sourire en coin me donne une petite tape malicieuse. Comme si ce qui lui agace le bout des seins était un personnage à part entière, elle lui fait une remarque sur un ton très sérieux. « Eh bien, Little John, un peu de calme, je vous prie. Le câlin, c'est après le petit déjeuner. » Elle me refait un bisou et se levant pour aller à la salle de bain, ses yeux tombent sur le ras du réveil. Elle reste là, nue, plantée au milieu de la pièce. « Mon Dieu, il est 11h45 et nous sommes censés rendre la chambre dans un quart d'heure. » Je la rassure. « Tout est arrangé. » De pour me rester jusqu'à ce soir. Ils n'attendent que notre commande pour le petit déjeuner. Elle plonge dans mes bras et me couvre de baisers. Oh, John, you're a sweetheart. I love you so much. Puis revenant au français avec une grimace. Mais là, il faut vraiment que j'aille faire pipi. Elle file comme une flèche vers la salle de bain et revient 10 minutes plus tard, rafraîchie, les cheveux brossés et toujours aussi nue que le jour de sa naissance. En peignoir de bain, je suis assis en tailleur sous le lit en train de consulter la carte du service d'étage. Elle est si belle, si rayonnante, toute baignée de soleil, que la carte m'en tombe des mains. Tout à fait consciente de l'effet dévastateur qu'elle vient de produire sur mon pauvre cœur, elle feint de ne l'avoir pas remarqué. Vient s'asseoir près de moi, ramasse la carte, la pose sur ses genoux. Voyons un peu ce qu'il propose de bon, je meurs de faim. Prétextant que ce sera notre seul repas de la journée, et que nous avons des forces à récupérer, elle nous compose le même petit déjeuner gargantuesque que la veille, et pendant que je téléphone au service d'étage, disparaît à nouveau dans la salle de bain. Elle ressort vêtue d'un peignoir de bain et va sagement s'asseoir sur le canapé. L'instant d'après, on frappe à la porte. Un jeune homme avec un gilet rayé très sélect entre dans la chambre, poussant devant lui une table roulante, croulant sous divers plats et coupes de fruits. Nous ayant expliqué comment fonctionnent la bouilloire et les chauffe-plats, il disparaît après un nombre impressionnant de courbettes proportionnelles à la valeur du billet que je viens de lui glisser. Ce petit déjeuner en tête-à-tête avec la femme dont je suis amoureux est un de ces moments de grâce comme j'en ai peu connu dans ma vie. Et d'ailleurs, autant qu'ils m'en souviennent, les seuls qui m'étaient donnés de vivre l'ont tous été avec elle. On joue à se donner la becquée en s'embrassant entre chaque bouchée. Des petits bisous légers, pleins de tendresse. Cette femme qui sait être d'un maintien et d'une classe folle, mais qui peut s'abandonner sans retenue et sans pudeur aucune entre mes bras, peut aussi être une enfant jouant à la dinette comme une gamine. Lorsqu'elle rit, elle est la joie même. Ses yeux pétillent, et j'ai toujours en mémoire cette façon qu'elle a de poser son index replié sur ses lèvres et de me regarder au fond des yeux avec tout l'amour du monde. De nos échanges et de ce que je perçois d'elle, je sais que sans être pourtant naïve, elle est persuadée que chacun d'entre nous porte en lui une part de Dieu et donc sa rédemption. Elle est aussi pure que peut l'être un être humain. Et tant d'années après, je reste toujours persuadé d'une chose, dans ce corps parfait, et sans qu'elle en ait conscience, il est l'âme d'un ange. Il suffit que je me rappelle ses yeux pour que ma conviction s'ancre dans la certitude. Pour l'heure, elle me tend une framboise et lorsque je la prends entre mes lèvres, elle caresse ma bouche de son pouce, puis ma joue du dos de sa main. La couleur de ses yeux a imperceptiblement changé. Ils s'éclaircissent et s'étrécissent au fil des minutes et à ce signe, comme à bien d'autres, je sais reconnaître son désir qui monte. Et dire que depuis tant d'années, je ne savais plus ce qu'était le désir d'une femme. J'ai poussé la table roulante et les reliefs de notre festin dans le couloir. Je reviens dans la chambre. Nathalie n'est plus là. Sans doute à la salle de bain. Je patiente un instant et ne la voyant pas revenir, vais frapper à la porte. Pas de réponse. Je pousse la porte. Personne. Son parfum emplit l'air et sa trace me mène tout droit à la porte de communication entre les deux chambres. J'entre. Nathalie, toujours vêtue de son peignoir éponge blanc, est à genoux sur le lit, les mains sur les hanches, la mine souriante. Je me demandais combien de temps il allait te falloir pour me trouver. Tu as suivi la trace de mon parfum? Exactement. Elle me regarde d'un air gourmand. Eh bien, continue. Découvrant ses seins et son ventre, elle prend un petit objet dans la poche de son peignoir. C'est un mini vaporisateur de sac. Une pression sous chaque sein, une autre au niveau du nombril, et la quatrième tout en bas, à la lisière du duvet blond. Ses yeux ne sont plus que de minces traits, les yeux du désir. Je dénoue la ceinture de mon peignoir, le laisse glisser sur la moquette et m'avance vers le lit. Comme le ferait un chat d'un canari, elle m'observe de ses yeux mi-clos. Mais ses mains en appui arrière à hauteur de mes talons se cambrent, m'offrent sa poitrine et murmurent. « Je t'en prie, viens. » Est-ce la magie de ses mots, de sa voix, celle de ses yeux? Je ne sais, mais la seconde même où je fais un pas vers elle, je franchis la porte de l'autre univers. Celui-là même, où nous étions cette nuit. Celui où tristesse, souffrance, crainte et interdit cessent d'exister. De nouveau, je suis avec elle, baignant dans sa musique, affranchi des pesanteurs de ce monde. Mes baisers vont de ses lèvres pulpeuses à ses seins. Du noir haut qu'elle demande, « Embrasse-moi comme hier soir. Oui, là. » Plus tard, alors que je suis en elle et qu'elle gémit sous mes caresses, je l'entends balbutier des mots confus. Combien de fois a-t-elle déjà crié? Sentant qu'à mon tour la foudre va me frapper, elle me repousse et me reçoit dans un baiser de feu. Je suis disloqué, anéanti, comme si je sortais du tambour de plumes et de coton d'une gigantesque essoreuse. À travers un épais brouillard, j'ai conscience qu'elle est penchée sur moi. Elle me caresse amoureusement le visage. Il me faut de longues secondes avant de pouvoir articuler. Je suis mort ou pas? La tendresse de son sourire et sa réponse me donnent un indice. Il semble que je sois toujours de ce monde. Je crois que tu es bien vivant et... Je te confirme pour le gingembre. Certains hommes, des plus nombreux, pensent que le meilleur moment de l'amour est avant, d'autres pendant, de très rares après. Je sais avec certitude que j'ai rejoint la troisième catégorie et chaque minute passée près d'elle me le confirme. J'ai droit à plein de petits bisous très tendres sur le torse, le visage. Elle reste un long moment à me regarder, s'allonge tout contre moi et la tête nichée au creux de mon épaule murmure à mon oreille. Je crois que j'ai beaucoup parlé et dit n'importe quoi. Tu dois croire que je suis folle. Non, pas vraiment. À vrai dire, je n'ai pas compris un seul mot. Mais la façon dont tu les disais, je crois en avoir deviné le sens. Elle caresse ma joue. Il y avait les mots du cœur, quelle que soit la langue dans laquelle on les dit. Inutile de les traduire. Plissant son nez, elle fait une drôle de grimace. Quant aux autres, vraiment, je n'oserais pas les répéter. Je crois bien qu'elle a rougi. En tout cas, signe évident de son trouble, elle se mordit les lèvres. J'en profite pour la taquiner. La prochaine fois, tu lui diras en français. J'étais certain qu'elle allait rougir davantage. Au lieu de cela, elle se dégage de mes bras, s'assit en tailleur, me prend les mains et me regarde au fond des yeux. Je ne l'ai jamais fait avec personne d'autre. Ça ne m'avait même jamais traversé l'esprit, mais avec toi. J'éprouve un besoin irrépressible, celui de te dire ce que je ressens tout au fond de moi. Qui je suis vraiment, j'ai besoin que tu le saches. Elle pince les lèvres, un petit air inquiet. Mais en même temps, j'ai très peur. Comment dites-vous en français? J'ai une trouille terrible. Elle me regarde, elle a vraiment l'air préoccupée. Je passe mes doigts sur sa joue. Diable, c'est si compliqué que ça à dire. Je vois bien qu'elle hésite, pas longtemps. Oui, parce que j'ai conscience qu'en te disant ce que je vais te dire, je pourrais te perdre. Mais je t'aime trop, John, et tant pis si tu n'acceptes pas la femme que je suis. Je ne veux pas commencer notre relation par une dissimulation. Je parviens à balbutier. Rien de ce que tu es ou crois être ne pourra faire que je ne t'accepte pas. Peut-on savoir ce qui se cache derrière ces beaux yeux? Il ne fait aucun doute qu'elle vient de ronronner. Elle vient se blottir tout au creux de moi. Alors, je vais tout te dire. Je suis quelqu'un d'hypersensuel, pour ne pas dire d'hypersexuel. Je suis bourré de fantasmes, tous plus fous les uns que les autres, et qui, sans le moindre doute, me feraient classer dans la catégorie des déviantes sexuelles, et cloué au pilori de la morale. J'ai toujours aimé faire l'amour. Mais mes orgasmes, enfin, ce que je croyais être des orgasmes, n'étaient rien comparé à ceux que j'ai avec toi. Avec toi, c'est un miracle. L'orgasme commence très vite et ça ne s'arrête pas. Je jouis sans arrêt et à un niveau tel qu'à chaque fois, je crois ne pas y survivre. Mais le plus magique, c'est après, quand tu me regardes. Tu continues à me faire l'amour avec tes yeux. Elle se tait un instant, me dévisage, se mordit les lèvres. Le moins que l'on puisse dire est qu'elle a l'air un peu inquiète. Malgré ce que je viens de lui dire, elle appréhende manifestement ma réaction. D'une caresse et d'un sourire, je l'encourage à poursuivre. Comme si elle avait peur que je ne m'échappe, que je ne disparaisse, elle se serre convulsivement contre moi. Je viens de te dire que j'étais hypersexuel, mais j'aurais dû préciser que j'ai eu de nombreux partenaires. Enfin, surtout pendant mes années de fac. J'avais et j'ai toujours des besoins importants, mais à l'époque, c'était ma façon d'évacuer la pression d'un rythme de travail effréné. Il n'y avait que le sport, la musique et le sexe qui me permettaient de recharger mes batteries. La première année, j'avais eu une relation que je pensais sérieuse, mais qui n'avait duré que quelques mois. Depuis, pour ne pas m'attacher et que plus personne n'ait le cœur brisé, je ne revoyais jamais deux fois le même garçon. Beaucoup me considéraient comme une catin, mais je m'en moquais complètement. Heureusement, la plupart des garçons que je fréquentais me traitaient avec respect, comprenant très bien que je pouvais avoir les mêmes besoins qu'eux. Certains, après, sont même devenus de très bons amis. Elle baisse les yeux, un doigt sous le menton, je lui relève la tête, elle me voit sourire. Pourquoi ce sourire? Parce que je pense que si ma femme n'avait eu que le centième de ta libido, j'aurais échappé à 18 ans de frustration. Alors tu comprends pourquoi je souris. Tu es une femme qui aime le sexe, que j'aime et qui est amoureuse de moi. Alors non, Nathalie Lorlaine, ce ne sont pas tes dizaines d'amants et de fantasmes qui pourraient faire que je m'éloigne de toi. Je sors d'un désert sexuel, tu es mon miracle. Derrière son beau sourire, ses yeux sans but. Alors c'est vrai? Maintenant que tu sais, je ne te dégoûte pas. Me dégoûter, Seigneur, non! Comment peux-tu dire une chose pareille? Non, tu ne me dégoûtes pas, et tu m'attires même davantage. Je voudrais que ces moments n'aient pas de fin. Tu es très belle, mais sans doute jamais autant que lorsque tu fais l'amour et tu devais l'être tout autant avec chacun de tes amants. Je voudrais avoir des super pouvoirs pour faire durer ces instants magiques et recommencer, encore et encore. Elle rit. Oh, John, if we still have sex, my pussy will going to explode. Oh, John, si nous faisons encore l'amour, ma chatte va exploser. Une fraction de seconde pour que je comprenne ces quelques mots qui ne peuvent que m'inciter à calmer le petit chat par des bisous très doux. Après cet instant de tendresse pendant lequel Nathalie n'a cessé de passer ses doigts dans mes cheveux, je m'assieds près d'elle. Tu aimes jouer à cache-cache? C'est même un de mes fantasmes. Depuis toute petite, j'ai toujours été excité par ce jeu et ce que j'aimais le plus était le moment où le loup trouvait ma cachette. Devenue adolescente, je faisais le rêve que le loup me mangeait et qu'il commençait par me dévorer les fesses. Elle s'interrompt, baisse les yeux, se mordit les lèvres et poursuit d'une petite voix faussement timide. C'était le moment où j'étais délicieusement terrorisé, comme tout à l'heure lorsque tu m'as trouvé. Tu m'as si bien dévoré, bien mieux que tous les loups qui ont hanté mes rêves d'adolescente et qui aujourd'hui hantent mes fantasmes de femme. Un bisou sur le bout du nez, un autre aussi léger qu'un papillon au coin des lèvres, et elle se lève, me prenant par la main. « Viens, retournons dans notre chambre. » Je récupère les deux peignoirs au passage. Elle me précède, m'offrant son adorable chute de rein et les deux fossettes qui la couronnent. Arrivée dans la chambre, elle court se réfugier sous les draps, me tend les bras. À mon tour, je me glisse dans le lit. Elle vient se blottir tout contre moi. Je lui demande « Tu voudrais dormir ?» Pas une hésitation dans sa réponse. « Oh non, j'aurai tout le temps de dormir cette nuit. Là, je veux profiter de chaque seconde en tes bras. » C'est si bon de se tenir serrés l'un contre l'autre, de sentir la chaleur de son corps et la douceur de sa peau. De ma vie, je n'étais aussi heureux, en paix avec le monde entier. Je le lui dis et l'émotion se marque sur son visage. Je lui dis que je la revois rue Daunou, avec sa démarche et son port de tête si distingué, et que j'ai peine à réaliser que je suis là, avec cette femme magnifique, dont chaque mot et chaque regard sont si emplis d'amour que j'en ai le cœur qui fond. Une petite larme perle au coin de sa paupière. Elle est si attendrissante que j'embrasse ses yeux et recueille le goût salé sur mes lèvres. Elle me sourit. Tu ne peux pas savoir dans quel état de panique j'étais lorsque je suis arrivé à quelques mètres de toi. C'est comme si une main géante m'avait empoigné le ventre. Le pire, c'était ton regard. Je te l'ai dit hier soir. Je me suis senti nu, totalement déshabillé. Mais bizarrement, par ce froid, j'avais chaud partout. Je reste bouche bée et plus que confus. Oui, tu me l'as dit, mais j'ai du mal à réaliser que je t'ai regardé comme ça. Je me fais l'effet d'un psychopathe. Elle me rassure. Oh non, ce n'est pas du tout ça. Tu as un regard très incisif, mais en même temps très doux. C'était comme une caresse. Et sans doute avais-je déjà envie d'être nu et dévoré par le loup. Bien au-delà de ce magnétisme purement sexuel, il émanait de toi une telle tendresse que c'est pour une grande part ce qui m'a fait craquer. Le mois précédent, j'avais eu 4 rendez-vous à une semaine d'intervalle, mais je te prie de croire que vraiment aucun de ces messieurs ne m'a fait le moindre effet. Même le playboy au regard de viking. Je n'avais qu'une envie, c'était que ces rencontres se terminent. En ce qui te concerne, je crois bien que j'étais amoureuse dès la première seconde, et ta voix m'a donné le coup de grâce. Cette voix feutrée, presque voilée, mais si enveloppante. Je pourrais dire si envoûtante. En dehors de Peter, tu es ce qui m'est arrivé de plus beau dans la vie. Sa voix comme une fêlure et ses yeux s'embuent à nouveau. Je m'inquiète. Qu'est-il, Nathalie? Tu es triste? Triste? Oh, assurément non. Je n'ai jamais été si heureuse et en même temps si terrifiée. Je la serre très fort contre moi, caresse doucement ses cheveux. Je suis comme toi, tout aussi heureux, mais peut-être moins terrifié. Qu'est-il de terrifiant à aimer quelqu'un? Elle me regarde avec un sourire contraint. À première vue, rien. Mais dans mes rêves, cette nuit, une petite voix me disait « Il est l'amour de ta vie, mais il te faudra attendre encore très longtemps, avant que vous ne soyez réunis pour toujours. » En fait, c'était dans mes rêves cette nuit, comme quelqu'un qui me chuchotait à l'oreille. Elle ferme les yeux, cherche quelque chose dans sa mémoire. Hormis le fait que j'avais l'impression de t'avoir toujours connu, ces mots sont comme une prédiction qui m'angoisse. Je la berce doucement contre moi. J'ai eu cette même perception rue Daunou. C'était diffus, mais bien présent. À la seconde où je t'ai vu, j'étais certain que c'était toi, comme si je te connaissais depuis très longtemps. Ne sois pas effrayé de cet amour qui nous est tombé dessus sans que nous n'y puissions rien. L'important est que nous soyons là, maintenant, dans les bras l'un de l'autre. Elle prend ma tête dans ses mains, caresse mes cheveux et me donne sa bouche dans un baiser profond. Nous nous sommes embrassés jusqu'à en perdre haleine et avoir mal aux lèvres. Mon corps voudrait encore lui faire l'amour, mais mon cœur sait que ce moment est un instant de grâce. Et je ne sais pourquoi cette citation me revient à l'esprit. L'éternité est faite d'une myriade de maintenant. Elle baisse la tête, perdue dans ses réflexions. Et dire que je voulais seulement une relation amicale durable avec des séquences sexes sans conséquence, juste pour se faire du bien sans aucune idée d'attachement sentimental. Comme je n'avais pas l'intention de changer de partenaire chaque semaine, un homme marié me paraissait l'idéal. Voilà, tu vois, mon plan était parfait jusqu'à mercredi dernier, 18h, rue Daunou. Je suis tombée amoureuse d'un beau ténébreux en moins d'une seconde, sans même avoir compris ce qui m'arrivait. Mais pourquoi souris-tu? Parce que c'était aussi exactement ma démarche, et que moi non plus, je n'ai rien vu venir. Le même jour, au même endroit, à la même heure, Je suis tombé amoureux d'une merveilleuse femme blonde, d'une classe incroyable, une sorte d'aristocrate, aussi simple et belle qu'elle est intelligente. Aurais-tu une petite idée de qui je veux parler ? Elle me répond sur un ton un peu plus sérieux. Je crois avoir la vague idée que c'est la femme dont tu es en train de pincer les tétons. Un fou rire nous emporte, même également je demande à Nathalie, comment allons-nous gérer ça ? Sa réponse est sans ambiguïté. Alors là, tu vois, je n'en ai pas la moindre idée. Mais ce que je sais, c'est que j'ai l'intention de vivre pleinement chaque seconde de bonheur que Dieu voudra bien m'accorder près de toi. Elle pose la tête au creux de mon épaule, se lofte contre moi, passe une jambe par-dessus les miennes. Parle-moi de ton enfance. C'est difficile de se concentrer avec ce corps si doux blotti contre moi. Mais ses caresses sur ma joue et ses bisous légers comme des bulles dans mon cou me donnent une telle sensation de paix que doucement les mots viennent. Pendant plus d'une heure, je lui parle de ce pays dont Flaubert écrivait. L'air y est si doux qu'il empêche de mourir. J'y suis né pendant la guerre sous un bombardement, le pire qu'ait eu à subir Tunis. Je n'ai pas de souvenir de ma toute petite enfance, mais les premiers visages dont je me souviens sont ceux de ma mère, de ma grand-mère et de mon grand-père. Celui de mon père vient beaucoup plus tard, lorsque j'ai 4 ans, et qu'il rentre de la guerre. Ce n'est pas un souvenir agréable. Je me souviens d'un visage émacié au trait dur, sans un sourire, les yeux cerclés par de petites lunettes métalliques rondes. Je grandis dans un quartier populaire entre ma mère et mes grands-parents. Mon père est tout le temps parti faire une guerre quelque part, et lorsqu'il rentre, il est un étranger pour moi. Puis je lui parle de mon adolescence, de la maladie de ma mère alors que mon père est en Indochine, de son décès le surlendemain du retour de mon père, le remariage de mon père moins de 2 ans après, la nouvelle maison, celle de ma belle-mère où nous aménageons, mon premier duvet au menton et mes premiers émois sexuels avec une fille dont tout le monde se moque parce qu'elle louche un peu. Elle s'appelle Colette, et tout comme moi, elle a 15 ans lorsqu'elle m'initie. Comme nous n'avons aucun contraceptif, elle me guide en elle par une voie détournée. Je me souviens de sa tendresse. C'était un moment très doux et nous recommençons chaque fois que nous pouvons nous retrouver seuls. Lorsqu'elle m'annonce qu'elle rentre en France avec ses parents, je suis désespéré. C'est mon premier chagrin d'amour. Nathalie s'est dressée sur un coude puis s'assied. Elle me regarde avec un sourire un peu bizarre dont je ne parviens pas à dire s'il est interrogateur, amusé, moqueur ou émoustillé. Peux-tu préciser ce qu'est une voie détournée ? Ma connaissance du français ne me permet pas de saisir l'allusion si toutefois c'en est une. Tu ne comprends vraiment pas ? Non. Son expression ne peut me faire douter de sa sincérité, mais quand même. Je me penche à son oreille et dans un murmure, je lui explique ce qu'est la voie détournée. Elle a un léger sursaut et une contraction des cuisses. Tu as fait ça avec une fille à 15 ans ? Oui. Elle m'a expliqué que comme ça, elle ne pouvait pas tomber enceinte. Elle semblait médusée, peut-être aussi faussement boudeuse. Moi, je ne l'ai jamais fait. Tu voudras bien me montrer. Je la savais spontanée, sans fausse pudeur, mais là, elle a presque le ton candide d'une petite fille qui demande une fantaisie dont elle a toujours été privée. Je lui dis gentiment, « Mais je ne suis plus un ado. Je ne voudrais pas te faire de mal. Toi, me faire mal. Je suis sûr du contraire. Tu es si doux que c'est totalement impossible. » Je veux bien essayer, mais peut-être sera-t-il préférable d'attendre d'avoir récupéré. Et puis tu sais, il faut vraiment que tu en aies très envie, sinon ça ne marchera pas. J'ajoute, sur un sujet totalement différent, il y a une chose que je voulais te demander. Acceptes-tu que je t'appelle Nat ? Je trouve que Nathalie fait un peu trop cérémonieux, surtout quand nous sommes dans les bras l'un de l'autre et que nous avons ce genre de conversation. Elle se redresse sur un coude, se serre davantage contre moi, m'embrasse tendrement. C'est le diminutif que m'avaient donné mes parents. Depuis leur décès, je n'ai plus jamais voulu que l'on m'appelle ainsi. Mais je veux bien que tu le fasses. Et puis John et Nat, je trouve que ça sonne très bien. Je réfléchis une seconde. Je trouve que Nat et John, cela sonne encore mieux. Il est d'ailleurs d'usage que les messieurs cèdent le pas aux dames. Un bisou et un sourire plus tard, elle me dit « Il y a chez les Français quelque chose de naturel, d'inné, que n'ont pas les autres peuples, même les Italiens qui sont pourtant très raffinés. Regarde, toi par exemple, tout nu dans un lit avec une dame, tu es capable d'être galant, et ça sonne juste, comme si tu étais à une réception à l'ambassade en train de présenter tes hommages à la femme de l'ambassadeur. Mon sourire doit être un peu trop appuyé, Nathalie se formalise et fronce les sourcils. Que je dis de drôle, c'était un compliment. Et se moquer d'une dame toute nue n'est pas très galant. J'essaie de reprendre l'air sérieux avant de m'expliquer. Excuse-moi, ce que tu as dit était très gentil, sauf que j'ai inversé l'image et que je me suis vu tout nu dans un grand salon plein de gens tenus de soirée en train de faire le baise-main à la femme de l'ambassadeur. Là, c'est Nathalie qui éclate de rire. Elle rit tellement qu'elle en pleure. Dans un hoquet, elle parvient à dire « Ce n'est pas que tu sois tout nu qui me fait rire, c'est la tête de la femme de l'ambassadeur. » Je la prends par les épaules. « Allez, calme-toi, respire, respire !» Je lui prends les lèvres dans un baiser très doux. Mon initiative est un succès. En quelques secondes, son rire s'apaise, et elle me rend mon baiser au centuple. Je m'écarte un peu et lui souffle. « Parle-moi un peu de ton adolescence, par exemple quand tu avais 16 ans. » Son fou rire est vraiment calmé. Elle hausse les sourcils, semblant se remémorer quelque chose. « C'est d'accord. Je vais te raconter le jour où j'ai fêté mon entrée à ma prépa pour Rochester. »